La délégation de la République populaire démocratique de Corée, conduite par le ministre des Affaires étrangères Lee Yong-hon, est arrivée le 20 par avion à New York pour participer à la 71e Assemblée générale de l'ONU.